Il sera tôt au matin. Passer la nuit en l'île faisait partie du rêve, et le vent de l'aurore en était différent. Il en était sans doute d'une fête superbe, d'un jour d'un autre mois. Ce que sont tous ces temps en chapelet de vie, en caresses de mots, épousailles des mains, traces des maintenances. Aller prendre un café, parler un peu aux chiens, donner miettes aux oiseaux. Se reposer où est le beau, où dort l'histoire, s'allonger sur le dos au profond de la barque, attendre le ressac. Cesser de symboliser, se laisser envahir. Il n'y aura personne, tout le monde est ailleurs. Je n'ai pas fait ces routes que tant ne font jamais pour céder en silence aux griffures du temps. J'ai voulu, j'ai atteint jusqu'ici pour vivre, aimer à plein poumon. Pas besoin d'un ailleurs, mon ailleurs est ici dans tout ce que j'en fais. Le chat qui m'a suivi ne pardonnerait pas, et le galet qu'il veille n'aurait plus aucun sens. Je sens bien quelquefois que jambes et cœurs saignent. Je concède tout juste d'aller un peu moins vite, mais je vais jusqu'au but, celui qui me convient. Ne te retourne pas, je suis tout près de toi. J'irai au bout du choix, j'y trouve mon content. Et s'il advient peut-être que l'encou me fasse quelque charme, je la prendrai debout en y mettant le temps qu'elle y prenne plaisir. S'il faut mourir enfin, je le ferai vivant. Du bleu, oh oui, du bleu, des bleus, toutes ces couleurs franches qui ont le frais du vent pour chasser tous les miasmes, l'ambivalence grise de tous les pas de deux, les temps en intervalle de la pluie dans les yeux, le silence des soirs et la longueur des nuits. Du bleu, oh oui, du bleu, pour y plonger entier, se fondre dans l'espoir, peut-être s'y noyer, se refléter soleil, aller à la lumière et s'inventer été. J'en alignerai de ces noms de pays, d'îles, de ceux que je connais, dont je sais les matins, chapelles et chemins, de tous ces temps de pause, pause, en tenant une main. Comme un songe qu'on vit au fil de l'entre-deux, lorsque l'on sait très bien n'avoir plus eu de rêve avant ces temps de beau. J'en alignerai de ceux qui font l'envie et les projets partagent, que j'espace la nuit en me faisant image. De falaises de craie au village d'Ardennes, slavitudes en forêt, les murs blancs siciliens, d'Alhambra, poussière de soleil, aux rochers de l'Algarve, et peut-être, sans doute, tout au large de Bas, réinventer l'Irlande. J'en aligne déjà, s'il me reste le temps, en décolleté de mer, ici où je me vis, maintenant que je rêve dans la nouveau d'envie, tout le tour de ce monde, de ce pays sauvage à couleur de bruyère, à l'odeur de la mer au creux d'un coup-cheveux où se finit la terre. Demain, partir des jours en île, belle, nouvelle, poser les nuits mauvaises et retrouver les rêves, laisser le soin au corps d'aller à sa nature pour épouser le vent. Comme un enfant en larmes qui trouve son doudou, fait des châteaux de sable, un vieillard kakoshim à qui l'on donne souffle et se prend pour chemin, une nacre entre rocs différentes des autres, une femme là-bas qui fera un marché, une terrasse en verre qui scintille au soleil, un vivant qui invente découvertes et racines, retrouver source et force, l'énergie du sauvage, le phare et le grand large, en oublier demain. Ça ressemble tellement à l'enfance, celle d'avant les déchirures, le bleu jusqu'à l'intense et le rêve en rocher, la paix sans mots, une douceur infinie, le bruit des pages que l'on froisse de la mer douce sur le sable, en vague. Enfin le monde rassemblé unique, de l'enveloppe du silence jusqu'aux profondeurs de l'intime, le lieu sacré du ressembler. Dedans, dehors, dans l'harmonie, il doit y avoir de l'impudeur à se savoir autant en chance, en rescapé de tant de larmes, un temps unique sans grand vent posé en creux sur une crique. Le fabuleux d'un jour complet, les tout petits galets si longtemps recherchés, que l'on vient te donner. Lettre à la dame de la rangée du devant dans l'autobus. Vous montâtes, madame, juste un temps après moi, et vous prîtes le siège de la rangée d'avant à sentir vos cheveux. Vous vous étiez doté d'un chapeau blanc superbe qui m'empêchait souvent de voir tout au devant les beautés du dehors. Vous me plûtes illico, bien que dans le silence. J'inventais votre vie tout au fil de la route étroite et cabossée. J'y vis quelques familles et des amants passés, peut-être un platonique, tant vous teniez la tête comme un cheval cabré. Je rêvais, savez-vous, imaginant de go que je savais de vous tout l'essentiel de toi, et surtout le cachet que vous ne dites pas, de ces pudeurs intimes qui font les bavardages, à éviter l'histoire où l'on parle d'amour, de peur de trop se perdre. Je me vis d'un seul coup hésitant et confus à vous offrir le puzzle d'un tableau de Monet ou le tableau lui-même, agrafant les aiguilles au fracas de la mer. Mieux, nous nous y mènerions aux côtes découpées, vous me prendriez la main de peur de mon vertige. Tout le chemin, je fus à être née au cou, à humer vos cheveux et lire sur l'épaule votre jeu de patience. Juste, le savez-vous, j'aurais osé le dire. Je vous aime, madame, tant vous me sentez bon, et vous êtes bien sûr la femme de ma vie. C'est alors saugrenu que vous prîtes l'idée un tantinet absconce de descendre en station 3 temps avant la mienne. Je n'eus guère le temps de vous suivre là-bas, et depuis tous les jours je suis la ligne 3, espérant que le temps se remette au beau, que vous ayez besoin de remettre un chapeau. Tu verras tout là-bas, juste au bout de l'Érial planté de chênes liège, sa maison en torchis et son soleil de feu. Il y aura une sente de sable et d'aiguilles qui glissent sous les pas et s'enfoncent en fougères tout en odeur de gemmes, résine au tronc blessé, une enfance en écorce dont on fait des bateaux. J'aurais pu te conter la légende d'ici, les pins de Pichelèbe et les pignes en cairn, la longue ligne droite et sa cabane rousse où vinrent se poser les premiers mots d'amour. Peut-être déposer tout ce sel sur tes lèvres. Et tout au bout, la mer, tu marcheras pour moi, tu humeras pour moi. En silence, en amour, au rebord de la marche, quand couleurs et lumières s'entourent à l'unisson, aller encore un peu plus loin, jusqu'au phare là-bas, où guettent les mouettes, un cormoran veilleur. Les îles sont toujours de ces écrins à rêve, des caresses avant, refuge de princesse et de manant en harmonie de mots. J'ai fait des provisions de beau à mon sourire l'âme, dans l'hypothèse folle où l'hiver glacerait, effleuré de tristesse. Au fond de mon panier courbé, tout en osier, des regards, des odeurs, des touchés de couleurs, des roux-doudous d'automne en forêt sur la mer. Des marches à devenir écureuil ou châtaigne, à voir tous les soleils s'éblouir à l'envers dans l'insolence douce de l'émerveillement. Des ourlets de rosée sur des feuilles en cornet, un vieux puits tout au bout d'une maison en ruine, une main qui se tend au bord d'ombres ondulées. Que tourne le moulin, il y fera la vie. Et si venait la bise, nul ne saurait jamais tout ce qui, en dedans, m'aura donc fait si doux que j'en rirai encore à en défier, courbé, tout le temps des saisons, s'il n'était que d'attendre. Et s'il faisait plus froid, je rêverais plus fort. Peut-être arriverais-je ainsi à réchauffer mes doigts. Dans le wagon de queue, un homme hypothétique épuisait son sommeil à ne pas trop rêver. De pinèdes en bruyère, la lande défilait, et ses odeurs d'enfance, les pas chauds sur le sable, l'Érial un peu plus loin où tournoyaient des filles et leurs éclats de rire. En chaos régulier revenaient les cohortes. celle des femmes en noir assises au seuil des portes, marmonnant à voix basse quelques imprécations, un bâton à la main. Le grincement des chaînes qu'on remontait du puits couvrait souvent les cris. Et parfois en reflet aux fenêtres embuées, des hommes en béret rocaillaient quelque histoire avant de s'aligner couvre-chef à la main au sortir des églises pour des condoléances, de ces poignées de main pointillées de mémoire. Nul ne saurait médire. À chaque tour de roue, comme un refrain de vie, les temps s'échelonnaient et leur insignifiance, parfois de vraies blessures ou des voies détournées. Les arrêts, quais déserts, où ne parle personne que l'on puisse comprendre, et les sifflets stridents. Tout à l'heure, au final, comme on ébroue sa vie, il montera en tête dans la première rame et descendra la vitre. La rencontre de l'air effacera des larmes. En se penchant un peu, il verra que, peut-être, si le jour le permet, une femme en lagare agitera la main. J'ai le flou du faubourg qui me monte à la gorge, une vieille rengaine et ses jupons pleins de trous éclaboussés soudain comme d'un autre siècle, avec d'autres valeurs, un accordéon tiède, la veste d'un prolo qu'il mettait le dimanche, ce mot de camarade qui a changé de sens tant il s'est délité. On a les vies qu'on peut et chacun son histoire. Délicieusement anachronique, me disait en grinçant une demi-mondaine, juste au pied de la butte qu'elle ne saurait pas, un soir bien ordinaire. Il en elle. Je ne suis plus d'ici, je suis déjà partie. En île, loin, où la mer entoure et protège, où le monde si près en devient parfois loin, l'accueil rude et prudent qui mène aux bras ouverts, comme un retour au ventre, entortillé autour, du long au large, où la voix est lointaine et tellement présente, un refrain reconnu. Du lever au coucher en quête du soleil, et si le temps se fait lourd, à retomber parfois aux airs de continent, pesanteur des tristesses, envie de renoncer, terreur des jours d'enfant tout simplement volés, arabesques iliennes, rougeoiements des marées, à tire d'aile, rester en île, vie revoltée, île en elle. Du plus longtemps qu'il soit, derrière le rideau, quelqu'un de nulle part guettait de la venelle le temps de la lumière ou des pas familiers. De saisons en tempête, de bruines en soleil, seul quelques chats passaient. Puis un jour de trop tard, et même s'envolait, on ne vit plus son ombre frissonner le voilage. Au début de l'automne, sur la pointe des pieds, sans que rien ne frémisse, une ombre se glissait et déposait des fruits au rebord des fenêtres, comme nature morte. Un cormoran, un poète sans doute, s'en était égaré au-delà de la ligne entre rêve et réel, ou bien mer et torrent, et ne savait que faire ni trop bien comment être dans le fond de ce bois qui sentait le soleil. Était-il en attente, en lente apostasie des grands voyages en mer, ou simplement en quête d'un instant de repos, ici, sans congénère à voler ses envies? Nul ne saura jamais, il était inédit, peut-être superflu, et le matin du vent lui lissait bien la plume. Quand le monde part en vrille, que les écrans ruissellent du mauvais et les taches d'enfants viennent souiller la mer ou quelques villes en cendres, quand l'homme quelque part oublie l'humanité, elle dit simplement « c'est folie ». Et nous fermons les yeux le temps de se remettre, faire semblant d'y croire, rejoindre le réel, juste un peu plus meurtri, essayer doucement de faire un peu pour mieux. Ne croyez surtout pas au meurtre de l'espoir, je n'y céderai pas, même pour mieux dormir. J'ai appris tant de beaux que je le vois vivant, en mots, en mains ou en images. Je sais trop le serrer du tronc des arbres, en force, en racines et en sèves, en feuilles et en frémis, pour ne pas les confondre en ce reflet superbe qu'ils font au clair de l'eau. J'en sais la différence. Je ne céderai rien au moindre sacrilège, et si le vent s'en vient frissonner la surface, parfois faire souffrance, je préserve demain, si demain m'est donné. Il valait mieux, sans doute, le clapot nostalgique de la brume alanguie, la peinture écaillée du rebord des mémoires, cette rame oubliée qui laissait l'espérance, la chaîne et les flotteurs pour éviter le pire, que faire vase au fond, échoué à jamais juste après le barrage, qu'on ne voit plus au jour qu'en planches et en lambeaux, les matins de vidange. Les flots seraient tranquilles, ils ne feraient pas vent, juste un oiseau plus loin percerait le silence. Le rocher du coucou à l'aplomb des falaises au rebord du sentier écrivait la légende de femmes ou de filles, venues là en tout temps pour agiter leurs mains au départ des marins en voiliers ou en boutres, et attendre, peut-être, leur retour bien plus tard. L'histoire ne dit pas ce qu'elles inventaient de cet espace-temps où elles étaient seules. Sans doute grande fête ou l'amour au galant, et qui sait, la tristesse, le labeur incessant ou les cris des enfants. En ces temps inversés, je m'y rendis tantôt pour ne rien voir au large ni attendre quelqu'une, quand le temps des légendes ne s'écrit plus semblable. Il me reste la fête à me faire à moi-même et me dire coucou en réchauffant mes doigts. Le rocher, quant à lui, écoutera les vagues. Demain, plus tard, quand mon solde de vie aura rompu l'amarre de toutes les finances, je partirai. Ce sera un matin, juste à peine un peu tiède. Je prendrai mon blouson, mes chaussures de marche, et le vieux maquila de l'arrière-grand-père qu'il avait travaillé en forme de serpent enroulé à la branche. J'irai loin tout partout où mes rêves m'attendent, et des amis sans doute pour me tendre des mots, avec un feu ouvert si le soir fraîchissait. D'Étretat en Ardennes, un retour en Jura, du pont dessus le Tage jusqu'au port d'Erquy, des forêts de Pologne jusqu'au mont d'Arrée, des sentiers en Provence, dans tous ces monts d'odeurs qui éclairent le ciel. Je pousserai jusqu'aux calanques, la fougasse bien sûr, la senteur citronnée du thym, l'eucalyptus, un olivier tordu, le tout petit chemin. Et si l'idée m'en vient, je m'irai en Sicile et au sud de l'Espagne pour voir des femmes en noir dessus des routes sèches. Je ne reviendrai pas où j'ai posé des pas depuis tant de l'enfance. Et quand j'aurai fini, que me viendra le temps de toutes les fatigues, bien des années après, je viendrai dormir là, sur la grève d'Étel, où je suis né si tard, groix au loin pour cendre. Le forfait m'a conduit, au cours des derniers jours, à lire et à relire tous ces textes de moi qui font mon quotidien comme s'en fait la vie depuis qu'il me souvient d'avoir appris d'écrire. Narcisse en son miroir sans doute un peu peut-être. Je m'y suis vu grandir, changer de paradigme, le tout comme en constant au regard d'une femme. À quel point, comme un arbre dépouillant l'inutile des racines aux feuilles, je me suis affermie et ressemblée au vrai. Et si l'amour, la belle amour, en coule comme sève évidente, j'y ai appris qu'aimer n'était autre que de connaître l'autre de la tête et des doigts, et peu à peu, lentement, trouver en soi l'intelligence du respect. Quand cet apprentissage, constant entre les lignes, a valu tout à coup à ma vision du monde, en patience et tendresse de toute différence. J'écris la belle affaire, et la muse que j'ai a arrondi mes mots et inventé mon rêve. Ne reste désormais au temps de l'évidence, quand ce temps est compté, qu'à le vivre au plus haut, et trouver l'émotion qui me le fait redire. Il est un temps pour tout et le donner en mots. Il y eut des novembres qui furent fabuleux, où la lumière vint en oblique du sombre et du fond de la brume. Quand j'ai le temps du temps et il se fait 7 heures, je sais attendre jour quand la nuit est plus longue. J'efface les buées, ces tristesses du doute que le souffle a pleuré en fume sur la vitre, et je regarde au loin la lanterne allumée, les deux mains dans les poches pour ne pas les froidir. Il reste simplement à éteindre l'octobre. Novembre sourira, j'en sais déjà l'augure, fétichisme des dates. Toute la nuit s'est étirée à livre ouvert, à mots des autres, des vies posées qui me ressemblent ou sont étranges et différentes. La lente confusion tout au fil des fatigues entre ce qui est mien et le vécu des autres. Personne ne saura si cet enfant blessure défaisait mes réveils pendant tant de matins avant qu'il ne comprenne, onguent sur cicatrice, ou bien s'il était autre. Si ce vieillard est son béret, manteau troué, quittant la main dessus le chien, fait ou non de ma vie une illusion perdue. Les mots se mêlent, rien ne se sait, et toutes les questions qui troublent la languie et ramènent au jour sans que rien dût bouger, du quotidien des autres n'en apaise le rythme. Cette maison cadeau habillée peu à peu, tous les objets passés d'une vie en miroir que l'on sait incomplète et qu'on va libérer. Les jouets des enfants, en musique à minuit, qui vous ont éveillé, élèvent des sourires à tendresse évidente, les essentiels posés. Ce départ en frontière vers la mer, vers la femme où l'on revient à soi. Cette nuit en milieu de tout ce temps qui fut si long où je me suis perdue, et celui bien trop court où je me suis trouvée. Ce début tard en vrai dans l'essentiel et l'évident à tous risques ouverts. Cette force de soi qui vous fait arracher les rêves de leur gang et transformer le cours du temps en puissance de vie. Savoir enfin qu'il faut tenir et où l'on va. Nuit frontière, de l'ombre à la lumière. J'avais pris l'habitude, au temps flou de l'enfance, de demeurer bien sage, de ne rien demander, tant je savais déjà qu'on ne répondrait pas. Quelqu'un était malade, d'autres ne pouvaient pas. Alors vite, très vite, je ne parlais que peu. Je ne dérangeais pas et prenais à ma charge tant de mots et de gestes qui ne me revenaient pas, des postures d'adulte. Tout était bienveillant, donc je ne pleurais pas. Ou alors quelquefois, au rebord du sommeil, un peu avant les rêves. J'avais pourtant en moi tant de choses à donner et tant à recevoir, et je les écrivais comme un soulagement, en flots interminables. J'inventais des sirènes, des fées, des femmes gigantesques qui me serraient si fort. Et quand j'avais la chance, je m'en allais percher sur un de ces rochers dont j'avais le secret. Je parlais à la mer, elle me répondait, comme une île déjà, en cocon inventé, de ces choses si belles où je me réfugiais. Et tout le temps de vivre était ainsi tracé. Sur ma table, il y a des papiers étalés qui me parlent d'un monde que je connais trop bien, formulaires officiels, ordonnances et rappels, et des médicaments posés au rebord de la nuit. Un livre aussi, heureusement. Un verre d'eau. Tout le bois en est triste et garde encore en lui des traces de ces bols qui coulaient de thé vert, des souvenirs de miettes, de fraises en confiture et de beurre salé pour ne rien renier des racines de l'arbre. Et lui reviendraient même des sonates de Bach, une main sur la nuque et un jour qui se lève. Une chaise tirée et un tiroir ouvert. Tu ne peux échapper aux repères du temps, et l'âge s'avançant, il te faut regarder sur les chemins arrière, uniquement pour voir tous les dénivelés. Les 20 premiers jours d'un novembre d'avant se firent importants, essentiels de ma vie. J'ai quitté le silence et ma petite mort. Maman en a fini de ne plus se trouver. Une femme est venue où nous avons parlé. J'ai desserré mes poings. Et le chemin depuis fait de drôles de boucles. J'ai retrouvé le vrai qui me faisait enfant, désappris tous les jeux pour n'être plus que moi et y rencontrer l'autre, puis entr'ouvert la main. Celui qui n'y verrait que des mots de poète et quelques convenances n'entendrait pas grand-chose à un trajet de vie. On peut n'avoir été qu'à peu près très longtemps et retrouver ses rêves pour les finir entiers. Novembre cette année a déjà avancé. Des mots comme galets décorent le chemin et maintiennent mes traces. Il est temps maintenant de saluer bien bas, de remercier quelqu'un, de regarder devant en tenant fort la main. Pavé inaltérable, ne jamais se résoudre à parler au passé, qu'il fût ou non parfait, caresser le présent, apprendre le futur. Et s'il faisait trop froid ou juste un peu plus mal, je rêverais plus fort. Un pavé. Lentement les heures, une à une. Est-ce du temps donné? Est-ce du temps volé? Est-ce du temps perdu? Tout ce qu'il reste à vivre, le besoin et l'envie, figés au balancier comme un cœur qui bat l'amble, un souffle régulier. N'être maître de rien, sauf de l'urgence à être, de recaler les poids, d'épousseter l'aiguille, le tic-tac lancinant des insomnies inquiètes, et la joie du réveil une nouvelle fois, le soleil au cadran. J'ai passé tant d'années sans savoir que le temps avait une importance. J'ai flotté dans des bras, dans des lieux sans aucune autre attache que me laisser porter. Le vent, même le vent, qui cognait hors la porte, ne laissait nulle trace, sauf les jours de tempête où il arrachait tout, et je partais alors en me laissant voler. Il fallait une main pour me faire rester, même tard, et elle est. Maintenant que je sais que ma vie s'est ancrée, je vois certes le roc où l'on me croit miroir, mais aussi la falaise en recul à marée, les traces sur le sable qui se sont effacées, et les amis tombés qui ne laissent que mots sans la voix pour les dire. Le temps dès lors qui me vient à attendre interminablement posé sur les nuits de mes pages prend un tout autre sens qui frôle l'impatience. Il y a l'urgence à vivre. Je ne serai jamais un sage rabougri assis en coin de table à résigner la mort. Ne serait-ce que l'heure, peut-être la minute, je vais les bousculer. L'insupportable étant, en sachant ce qu'on sait, de l'attendre en silence comme un vieillard fâché d'avoir raté son rêve. Je m'en vais le chercher. Le temps est bien trop court pour le laisser passer. Toute la nuit durant, j'ai fait mes promenades et j'ai chassé la brume qui troublait cet automne. À grands coups de regard, je suis allé partout où furent les partages. Cette façon, tu sais, de désigner à l'autre tous les silences à prendre. Ce beau étincelé où qu'il soit et s'envahir ensemble de la même émotion. Ces villages perchés, ces îles en refuge, ces torrents en montagne où tu tendais les bras, ces matins en soleil à faire la caresse. La fontaine là-bas, l'ombre de la lanterne sur le mur de mes marches, à l'envers de ma tête, quand le jour a du mal à émerger du sombre, cette lumière en moi qui fait tenir encore, appuyée sur le mur d'un demain continu. La fenêtre en soleil, une table à pointe courte.